Chapitre 4. Le palais du Maharaja, le grand roi, occupe le sommet du coteau d'Audipour et domine la ville de toute la hauteur d'un mur de 20 mètres qui supporte une terrasse bordée d'un parapet. Or, un matin, le roi, en se levant, vit sur cette terrasse un spectacle auquel il ne s'attendait pas. Un homme était assis, les jambes croisées sur le parapet, la face tournée vers les appartements royaux. « Hé ! » se dit-il, « voilà un brave homme qui prend des libertés. » Il appela un valet de chambre. Celui-ci ne savait rien et courut aux informations. Personne n'avait vu entrer cet inconnu. Il avait dû se glisser sur la terrasse pendant la nuit en trompant la vigilance des sentinelles. Sa Majesté Ganderab IV se mit dans une violente colère, fit donner la bastonnade à une demi-douzaine de ses gardes et songeait à en faire fusiller au moins un quand il se souvint fort à propos qu'il y avait à Audipour un résident britannique, chargé de veiller entre autres à ce qu'il n'y eût plus d'exécution sommaire dans le royaume. Sur ces entrefaites, le majordome envoyé pour chasser l'homme revenir que l'homme était un fakir. « Un fakir ? » répéta aigrement le roi. « On ne chasse pas un fakir, c'est vrai, mais tu pouvais, imbécile, le prier poliment de s'en aller. »« Que votre majesté me fasse grâce, » répondit le majordome en se courbant jusqu'en terre. Je l'ai prié de s'en aller. Mais il est toujours là, à la même place. Sire, il ne m'a pas répondu. De mémoire de roi, on avait entendu parler d'une chose pareille. Ganderab IV faillit avoir une attaque d'apoplexie. Malgré son obésité, il traversa vivement le péristyle et s'avançant sur la terrasse. « Hé, mon père » commença-t-il sur un ton vexé. Il s'arrêta, muet d'étonnement. Le fakir était un shivaïte, sorte de gens avec lesquels on ne plaisante pas. D'ailleurs, il ne regardait pas le roi, ne semblait même pas s'apercevoir de sa présence. Immobile sur le parapet, comme une statue sur son piédestal, il avait le regard fixe et absorbé d'un homme qui contemple un objet lointain. « Mon père, » reprit le roi avec une nuance de respect dans la voix, « vous ne savez peut-être pas que cette terrasse est un lieu privé ? Ce n'est pas que je m'offense de vous y trouver à cette heure et... « Vous avez quelque chose à me demander ?» Point de réponse, pas un mouvement, rien qui indiqua que le fakir entendait les paroles du roi. Celui-ci fut pris d'une sorte de frayeur. Il restait là, comme pétrifié, à contempler cet homme qu'il pensait voir pour la première fois. Le fakir avait la taille haute, les épaules larges, la poitrine bombée. Sa tête au front bas avait un profil sévère, des traits réguliers, accentués par une excessive maigreur, mais d'une admirable pureté. Au travers des boucles désordonnées de cheveux qui lui tombaient sur le visage, ses yeux étincelaient avec une expression de colère. On eût dit le masque du dieu des vengeances. Au bout d'un instant, le roi tourna sur ses talons et rentra chez lui tout pensif. Il n'y comprenait rien. Peut-être ne fallait-il voir dans ce procédé bizarre qu'une frasque de visionnaire. Comme mesure de prudence, il donna l'ordre que personne n'allât déranger le saint homme dans son acte de dévotion. Puis il reprit la routine de ses occupations, reçut ses ministres, fit semblant à son ordinaire de travailler avec eux, sortit à cheval pour aller prendre un bain dans le lac, et eut bientôt oublié le fakir. Cependant, lorsqu'il rentra dans ses appartements pour prendre le repos de la nuit, il reçut comme un choc électrique en s'apercevant tout à coup que l'homme était encore là. Il roula quelque temps dans sa tête des pensées diverses. « Bon, » se dit-il enfin, « il faudra bien qu'il finisse par déguerpir. » Et il se coucha. Le Maharaja d'Audipour dormit mal cette nuit-là. Quand il se réveilla, le soleil, déjà haut sur l'horizon, inondait la terrasse de ses feux. Ganderab IV courut à sa fenêtre. Le fakir était là, dans la même position, nu-tête sous le ciel ardent. Une heure après, toute la maison royale partait à l'improviste pour une grande chasse qui dura jusqu'à la nuit tombée. 200 coulées avaient battu la plaine, sondé les buissons, traqué le gibier, et le Raja rentra tout fier d'avoir de sa propre main abattu 2 antilopes et 3 lièvres. Le fakir n'avait pas bougé. Ganderab IV reposa moins encore que la nuit précédente. 2 ou 3 fois, il se releva pour aller doucement jeter un coup d'œil sur la terrasse. Le plus grand silence y régnait. Tout dormait sous la lumière douce de la lune, les oiseaux et les fleurs. Mais le fakir était encore là, et lui, assurément, il ne dormait pas. Le roi retourna se coucher. Des pensées lugubres flottaient dans son cerveau. Son passé lui revenait, il éprouvait dans sa conscience un malaise vague. De quoi pouvait-il être coupable? Il n'aurait su le dire. Pourtant, il se promit de faire relâcher un pauvre homme qu'il retenait en prison depuis 2 ou 3 ans pour s'être permis de rire en sa présence. Après quoi, légèrement soulagé, il décida de se rendormir. Mais il ne se sentait pas seul. À travers les murailles, son imagination lui montrait le fakir immobile, rigide, couvant la demeure royale de son regard obstiné. Et par moments, prêtant l'oreille, il lui semblait que le fakir avait bougé. Il l'entendait venir et s'asseyait brusquement sur sa couche pour être prêt à le recevoir. Enfin, l'angoisse devint si forte qu'il appela un domestique et fit transporter son lit dans une pièce tournée vers le couchant sous prétexte que le soleil levant. Mais au fait, un roi n'a pas besoin de prétexte. Le 3e jour se leva. Ganderab IV se sentait brisé. Il refusa de déjeuner et se promenait par le palais comme au hasard, sous le poids d'une obsession que ses alentours commençaient à partager. On ne parlait que de ce fakir autour de lui. Il monta sur son belvédère. Un nouveau spectacle l'y attendait. Partout sur les toits en terrasse de la ville, des groupes de curieux se montraient le fakir du doigt. Le misérable n'avait que trop bien choisi son poste. Là-bas, sur ce parapet du château, on le voyait de partout. À force d'y penser, le Raja avait fini par soupçonner le dessein du fakir. Shiva, dont cet homme portait les insignes, est l'époux de Kali. Et comme sa conscience n'était pas sans reproche, il se demandait s'il ne devrait pas faire appel au prêtre de Kali pour avoir le mot de l'énigme. Sa fierté ne pouvant s'y résoudre, il manda son nouvel ami et conseiller, le prêtre de Krishna, et le conduisit sur la terrasse où, depuis 3 jours, âme vivante n'avait osé se montrer. Laxman questionna le fakir, qui ne répondit pas. Seulement ses narines se gonflèrent et un frisson convulsif l'agita comme si la présence de son adversaire l'eût troublé. Le prêtre de Krishna n'était pas un homme à scrupules. Il n'osa pourtant pas persister dans son interrogatoire, faire scandale, craignant peut-être la colère des partisans de Kali. Le roi, en le reconduisant, lui demanda conseil. « Ne devrais-je pas faire venir Amra ?»« Que votre majesté s'en garde. Il y a là un complot ourdi pour vous soutirer de l'argent. » Que faire de cet homme alors? Le laisser tranquille, il finira bien par en avoir assez. Une journée encore, la 4e, s'écoula sans amener de changement dans l'attitude du fakir. Cet homme était de bronze. Alors le roi se décida à faire chercher Amra. Le prêtre de Kali ne condescendit pas à répondre en personne à cet appel. Ce fut son serviteur, le jeune Lalou, qui se présenta au palais. Ganderab IV fronça le sourcil, mais avala sans maudire cette humiliation. Il fut d'ailleurs frappé de la bonne grâce du jeune des servants, et n'eut pas trop de peine à lui rendre ses devoirs. Le représentant de la divinité le prit de haut. « Sire, dit-il, la bonne mère est courroucée du refus que vous avez opposé à sa légitime demande. Voilà pourquoi son divin époux a envoyé chez vous un de ses serviteurs. » « Et que compte-t-il faire, ce serviteur de Shiva ? Attendre. » Attendre quoi? Jusqu'à quand? Enfin, que veut-il? Une pagode, répondit laconiquement le jeune brahmane, qui soutenait sans broncher le regard irrité du roi. Il y eut un silence. Ganderab IV tourmentait d'une main nerveuse un des bouts flottants de son écharpe. C'est au moins 5 ou 6 lacs que la bonne mère me demande là. 10, répondit Lalou. 10? 10 lacs? Où la bonne mère veut-elle que je prenne 10 lacs pour son service? Pour toute réponse, Lalou s'assit et se mit à égrener son chapelet en répétant tout bas ses prières, comme résigné à une longue attente. Le roi le considérait en silence d'un air étonné. Tant d'assurance le fit sourire. « Allons, fit-il d'un ton paterne, mettons 8 lacs. Je donnerai 8 lacs à la bonne mère et vous la prierez de me rendre sa bienveillance. » Lalou était trop absorbé pour répondre. Il ne répondit pas. « Tenez, reprit le roi, un peu honteux de marchander ainsi avec la divinité. Je donnerai une pièce de terre pour bâtir, et s'il le faut, une autre encore pour des jardins. 8 lacs et une concession de terrain, c'est pourtant un joli cadeau. Sire, dit le jeune homme, interrompant avec effort ses dévotions, la terre appartient à Dieu, qui en fait ce qui lui plaît. Puis il se remit à compter. Ganderab eut dans les bras un mouvement nerveux. Volontiers il eût étranglé cet impudent quémandeur. Toutefois il se retint de le prendre au collet. Il savait qu'une pareille offense l'eût du coup mis hors la loi, et que, tout roi qu'il fût, ses sujets se seraient détournés de lui comme d'un paria. Quant à le faire jeter dehors, il n'y fallait pas songer non plus. Pas un de ses gardes n'eût voulu toucher à cet homme. Il se contenta de faire quelques tours dans la salle, soupira deux ou trois fois, puis tout à coup et sans regarder son interlocuteur. « Allons, dit-il amèrement, je vois bien qu'il faudra en passer par là. Allez dire au seigneur Fakir que sa demande est accordée. »